This is a warning, warning, warning. ce n'est pas seulement par les œuvres littéraires qu'il livre au public et qu'il compose en vue de la postérité qu'il faut juger les grands écrivains. Sans doute leurs œuvres capitales, celles dont la célébrité retentit à travers les siècles, suffisent pour faire apprécier la nature de leur talent, pour mettre en relief les qualités maîtresses de leur génie et les classer dans l'une ou l'autre des sphères de l'intelligence, suivant que l'imagination ou le raisonnement prédomine en eux et en fait des poètes ou des philosophes, des hommes d'État, des orateurs ou des historiens. On connaît d'eux, par leurs livres, l'homme public au plus haut degré de puissance où ses qualités spéciales ont pu l'élever, mais son caractère, les tendances particulières de son esprit, sa nature intime, l'homme privé en un mot, ne nous sont entièrement révélés que par le plus secret détail de sa biographie, par sa correspondance, surtout par celle qu'il n'a point écrite pour le public. Oh. On y revient toujours. Le respect ne sied qu'aux résignés et aux désabusés. Il éteint les enthousiasmes et décourage la contagion affective par quoi se déréifient les rapports humains, jusque dans la perte du sentiment des limites individuelles. Alain le refuse au nom d'un rationalisme critique, par principe soupçonneux à l'égard de tout ce qui manifeste un abandon de soi à la sensibilité, en l'occurrence au sentiment de révérence qui usurpe l'évaluation de la légitimité du pouvoir politique. D'autres le rejettent au contraire parce qu'il refroidit le pathos dont le lien social s'entretient selon eux. Ce n'est pas la moindre fragilité de la notion de respect que d'attirer les réserves du rationaliste intransigeant aussi bien que celles des adeptes d'une société fonctionnant à l'empathie. Dans les deux cas, il est clair cependant qu'on incrimine son caractère formel. En tant qu'il est l'indice d'une abdication du concept ou bien responsable de l'atomisation du social. Un immoralisme se déduit parfois de ce dernier point de vue, arguant de ce que toute communication authentique doit refuser la sclérose des rapports intersubjectifs à laquelle encourage la morale conçue en termes kantiens. Voudrait-on sauver la notion de respect qu'il faudrait tâcher de la désolidariser de cette morale dont Kant considérait qu'elle puise son mobile même, qu'il faudrait la rapporter à l'équivoque constitutif de l'humanité ainsi que l'évocation de l'œuvre de Bataille l'a déjà suggéré. En ce sens, le respect procéderait de la sphère extramorale du sacré, là où la valeur d'un acte se mesure à son caractère proprement inintentionnel, comme le dit Nietzsche. Dans ce contexte, la transgression paraît bien ce révélateur, sans lequel le respect n'est que vain formalisme. Done. I've heard you say that this is number one. Another life down another road. Perhaps you're better off to never know. Don't dream of all the ways things could have been. Remember all the faces you let in. Remember all the faces still unseen. Soon enough you see just what I mean. It's nothing to cry about. Cause baby, baby you're out. Felt it hard to voice complaints, but what you voice is what will drive your fate. No, things never really got that bad. Dreams of greener grass will drive you mad. Don't dream of all the ways things could have been. Remember all the faces you let in. Remember all the faces still unseen. Soon enough you see just what I mean. It's nothing to cry about. Cause baby, baby you're out. Baby you're out. Baby you're out. sujet de Louis XVI à qui l'on aurait parlé de révolution en mars 1789 aurait sans doute été bien sceptique à supposer qu'il ait compris de quoi il était question. Il aurait admis que la situation était préoccupante, que les caisses de l'État étaient vides, que les intérêts de la dette pompaient la moitié des rentrées, que 2% de la population possédait l'immense majorité des richesses et que ses privilégiés ne payaient quasiment pas d'impôts. Il aurait gémi devant tant d'inégalités et d'oppression. Mais le trône, celui de Clovis, de Saint-Louis, d'Henri IV, de Louis XIV, lui paraissait sans doute plus éternel aujourd'hui que l'économie de marché. Camille Desmoulins le disait quelques années plus tard, en 1789, nous n'étions pas 10 républicains. Vous êtes toujours sur Lost in Space. À l'instant, on vient d'écouter Xiu Xiu avec un album qui s'appelait Face, si ma mémoire est bonne. Enfin, c'est le morceau qui s'appelle Face Torn Apart. Morceau donc tiré de l'album qui est sorti cette année, là, début 2017, qui propose une espèce de rock atmosphérique pas trop mal. On continue donc Lost in Space avec un concert ultra rare sorti des archives. C'est un groupe qui s'appelait Totten Tants, qui était composé par des Lyonnais qui faisaient de l'industriel, qui jouaient avec un personnage curieux aussi qui s'appelait Jean-Pierre Espil. Le concert ici est enregistré il y a assez longtemps maintenant, 1987 à Carcassonne, et vous allez voir, c'est expérimental. Yeah. Yeah. Noir de l'os, comme infime poussière née de la nuit. Le larynx en pâtit, c'est l'or qui s'essuie la gueule à la planète rouge, comme au centre de combat, itinéraire velu. Que brûle le gaz de prix. Tuez les reins d'eau noirs, ouragan du sud des cieux. Certains êtres tambourine aux cloisons des gargouilles, entravées de laine, des cornues magnétisent le produit. Ne fournit plus que la poudre dans les corps. Les cris couronnent par la raison. La voix, voix, voix, voix, voix, étreint le mal, étreint le mal, et tout, la guenon du nerveux, négatif, négatif, Noir de l'os. Noir de l'os, un film poussière, né de la nuit. Noir. Thank you.

Thank you. Vous êtes toujours calé sur le 100 FM, Totten Tants et Jean-Pierre Espil en concert en 1987 à Carcassonne, c'est fini. Pour la musique industrielle, on va continuer avec quand même aussi encore un peu de musique bizarroïde. C'est Nagamatsu der gute Kamerad, qui veut dire en bon allemand le bon camarade. Allez, c'est parti, vous êtes bien sur Lost in Space, Radioactive 100 FM. a dream, you only hurt yourself. The moons of your life create and melt in front of you, beneath closed lids. The path to freedom, nirvana, here is it. Calls from behind the wall. All that you built with you will fall. Dig not for trust with infected hands. The secret shoal will come, come to hand. That burst the seams. Consummate growth will break your bones. Become a tree, become a tree. Secure Encore une fois, s'il te plaît, encore une, mon cœur sera sans repos tant qu'il ne reposera pas en toi. Une prophétie hantait le cinéma selon laquelle il n'y aurait que trois générations de cinéastes, comme il n'y avait eu que trois générations de tragédiens grecs. Une machine avait surgi, bond dans l'espace-temps qui voyage tous les accidents de la pensée pour les remonter, et dont soudain le secret s'évanouit sous la nuée invasive des images, comme dans un autre temps, la tragédie s'éteignit au profit d'une variété théâtrale généralisée. Et puis, quand les serpents, chauves-souris, blaireaux et tous les animaux qui vivent dans la profondeur des galeries souterraines sortent en masse dans les champs et abandonnent leur habitat naturel, quand les plantes à fruits et les légumineuses se mettent à pourrir et à se remplir de vers. Et donc voilà, ça c'est un travail d'installation sonore. Alors c'est encore autre chose, parce que moi je me positionne très différemment. Par exemple, je parlerai pas de musique concrète pour l'installation sonore, parce que bien sûr je vais utiliser pour mettre des sons dans cette installation le même type de technique, mais ce qui est quand même très spécifique à la musique concrète, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de visuel associé. Lord knows I did everything I could. Try to satisfy her worried mind. That's what I did. Now, yeah. I did everything I could. Lord knows I did what I could. Try to satisfy her worried mind. Trouble. You know she was nothing but trouble. Worried all the time. Oh, God knows her movements. God knows her movements are killing me. Must I kill that woman? Oh Lord, I get down on you. Yes. They tell me God forgiven everything you do. Yes. But I don't care what the people say. I'm gonna kill that woman. I'm gonna kill that woman, God knows. I'm gonna get down on me. Thank you. Yeah. Sir Zaccomo Spada, le marchand de soieries insensible à ce tapage inconvenant, se promenait le long de la colonnade avec un air de préoccupation majestueuse. De temps en temps, il ouvrait sa large tabatière d'écailles blondes doublées d'or et y plongeait ses doigts, qu'il flairait ensuite avec recueillement, bien que le malicieux Sirocco eût depuis longtemps mêlé les tourbillons de son tabac d'Espagne à ceux de la poudre enlevée à son chef vénérable. Enfin, quelques larges gouttes de pluie se faisant sentir à travers ses bas de soie, et un coup de vent ayant fait voler son chapeau et rabattu sur son visage la partie postérieure de son manteau, il commença à s'apercevoir de l'approche d'une de ces bourrasques qui arrivent à l'improviste sur Venise au milieu des plus sereines journées d'été, et qui font en moins de 5 minutes un si terrible dégât de vitres, de cheminées, de chapeaux et de perruques. Girls might out on the show tonight because we've got Sunita, we've got Samantha, and we've also got Spania. But first we start with a song at number 7 in the charts, not only singing live but also playing live. Here's New Order, True Faith. This feeling of emotion, I said the same. True Faith. Are you wondering who the guy is sat on the stage? He's called Terry, he's from France, and he stars in the video to that song. At number 23, here's Linda Ronstadt and James Ingram. Thank you.